Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Autant n'emporte l'histoire, tous les dimanches à 21h. Aujourd'hui, Jean Cocteau et Jean Marais, le couple terrible de l'occupation. Il y a les écrivains qui ont résisté, les armes ou la plume à la main, comme René Char, Vercors ou Robert Desnos. Ceux qui ont collaboré activement, comme Brasillach ou Céline. Et à côté, il y a tous ceux qui ne furent ni des héros ni des salauds. Jean Cocteau, sans nul doute, se serait reconnu parmi eux. À l'automne 1940, alors que Paris vit désormais à l'heure allemande, le poète, apolitique, antiraciste, qui ne jure que par l'art, l'amitié et l'amour, compte bien poursuivre sa vie d'avant-guerre, écrire et produire des pièces de théâtre, et dans sa garçonnière du Palais Royal, vivre avec l'homme qu'il aime, le jeune et beau comédien Jean Marais. Mais rapidement, la réalité dans toute sa complexité va le rattraper. Jean Cocteau, homosexuel et opiumane, incarne tout ce que la morale de Vichy condamne. Et quand l'impétueux Jean Marais cassera la gueule à un journaliste de la collaboration, Jean Cocteau fera le choix dangereux de la compromission. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. François Rivière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes romancier, critique littéraire, biographe, et vous avez récemment écrit le scénario d'une très belle BD consacrée à Jean Cocteau, avec des dessins aussi très beaux de Laureline Mathiussi. La BD commence par un procès imaginaire intenté au poète. Bon, rien à voir évidemment avec celui qui lui réserve le comité d'épuration à la Libération en 1944. Mais Jean Cocteau, né en 1889, mort en 1963, donc il y a près de 60 ans, est-ce que, selon vous, il serait encore dans un purgatoire ? Je pense que Cocteau est capable de survoler à peu près tous les états possibles, notamment celui du purgatoire. Il n'est pas en enfer, il n'est pas au ciel non plus, je crois, mais il reste encore un souvenir de Cocteau, un souvenir qu'on a par moments un peu de mal à réveiller chez certains lecteurs ou amateurs de ce qu'était l'art, enfin, et la littérature au XXe siècle. Mais heureusement, il y a les films, et grâce à ces films, je pense qu'il survit vraiment très bien. C'est quand même une figure du XXe siècle, Jean Cocteau. Il a vraiment traversé le siècle dans les lettres, dans le dessin, dans les arts, dans le spectacle. Mais c'est un touche-à-tout. Il a touché à tout, réellement. Alors avec du génie pour certains, pour d'autres avec une espèce de légèreté. Mais la légèreté était un peu une chose qui était consubstantielle à l'esprit Cocteau, à son désir d'être un poète avant tout. Et d'ailleurs, c'est Jean Marais, d'ailleurs, qui parlait encore avant sa mort, encore de Cocteau, disait qu'au fond, toute sa vie, c'était la poésie. Enfin, et c'est vrai que personnellement, je vénère vraiment tous ces poèmes. Enfin, la Pléiade a publié l'intégralité des poèmes de Cocteau, et je pense que c'est ce qu'il a fait de mieux, en fait. Alors, l'histoire que je vais raconter dans un instant commence à l'automne 1940. Jean Cocteau a déjà 51 ans, hein, c'est plus un gamin. C'est un écrivain connu à ce moment-là quand même déjà. Pas seulement écrivain, donc. Ouais, il est connu, oui, il est connu parce qu'il a écrit beaucoup, beaucoup publié. Mais c'est vrai que c'est pas non plus que les gens, à ce moment-là, ont retenu. C'est plus certaines de ses pièces, même si certaines n'ont eu aucun succès. Son Britannicus, donc, dans lequel Jean Marais va jouer et se faire détester d'une partie de la critique. Parce que, évidemment, Cocteau n'est pas du tout un auteur classique. Hein. C'est un moderne qui s'empare de la mythologie et qui la refaçonne à sa manière. Donc, c'est un homme public. Enfin, c'est une célébrité. Il a été Mondain aussi. Oui, il a été célèbre avant d'être connu, comme on disait à l'époque. Mmh. Et effectivement, c'est un mondain, c'est quelqu'un qui passe pour une espèce d'arbitre des élégances, mais qui est connu dans le monde entier, enfin en tout cas de pas mal de gens, un peu dans tous les milieux artistiques, un peu d'avant-garde, ou carrément d'avant-garde d'ailleurs. Et voilà, et en France, mais ses livres sont peut-être pas encore ce qui a plus marqué le public. Ouais. Et Jean Marais, alors, en 1940, lui, il a 27 ans. Ils se sont connus en 1937, c'est ça ? Ils sont connus au moment où Marais est un très jeune acteur, débutant, même pas débutant, un jeune garçon qui voulait faire du théâtre et qui est venu de manière assez culottée, qui s'est présenté à Cocteau, qui faisait à ce moment-là du casting pour sa pièce sur Œdipe. Et Jean Marais est venu se proposer, et alors on évoque une sorte de coup de foudre, mais le coup de foudre, effectivement, Cocteau l'a eu pour un physique, pour ce garçon qui représentait exactement physiquement le jeune acteur qu'il voulait pour sa pièce. Et Jean Marais Carré, d'ailleurs, s'en est jamais caché, a profité évidemment de l'occasion. Et après, une espèce de légende a commencé à se mettre en place, qui a duré et qui dure encore, enfin. François Rivière, je propose qu'on se retrouve tout à l'heure pour poursuivre cette discussion. Tout de suite, Jean Cocteau et Jean Marais, Le couple terrible de l'occupation, un texte de Pascal Memery, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Pascal II. Albert est enthousiaste. Monter un classique, ça devrait mettre tout le monde d'accord. Le nouveau gouvernement de Vichy me met déjà des bâtons dans les roues, mais on ignore encore ce que nous réservent les Allemands. On verra bien. La rue de Rivoli, déserte, Paris occupé. Toute cette actualité que je fuis. Ma politique, c'est l'amitié. Seule mon œuvre compte. Mon œuvre et mon Jeannot. Cette gloire que je lui ai promise, il la mérite tant. Paris, septembre 1940, 36 rue de Montpensier. Après un court exode dans le sud de la France, Jean Marais et lui, comme beaucoup de Parisiens, sont de retour dans la capitale. Jean Cocteau regagne son petit appartement aux murs tendus de velours rouge à l'entresol du Palais Royal. Jean Marais et lui ont repris la vie commune. Mais certaines tensions d'avant-guerre remontent à la surface. Oui, Albert, à la bonne heure. Quel visa? Les Allemands? Deux visas de censure? Quel foutoir, ça commence. Ça pue jusque dans le couloir. Tu fais chier, Jean. Merde! Merde! Je vais devoir te laisser, tu me tiens au courant. Comment tu peux vivre là-dedans? Ça sent jusque dans l'escalier. Elle dit rien, la concierge? Et les voisins? Calme-toi. J'ai une excellente nouvelle. Figure-toi qu'Albert Villemette se vient d'appeler. Faut que tu arrêtes, Jean. Tu as combien de boulettes par jour? Combien? J'ai dû oublier de mettre le coussin sous la porte. Regarde-toi, tu te fous en l'air. Mais tu sais que c'est bientôt fini. De quoi parles-tu? Le commerce, avec l'Asie. Les petits trafics avec l'Indochine. Terminé. Où tu as vu ça? Dans le journal. Évidemment, tu ne lis pas le journal. On dit même qu'il va y avoir des sanctions terribles contre les trafiquants et les toxicomanes. Tu n'es pas sérieux? Des peines de prison pouvant aller jusqu'à la perpète et même la peine capitale. J'ai tellement mal, ces douleurs terribles partout. Avec l'opium, comprends-tu, je ne suis plus présent à ce monde, mais comme dans un rêve peuplé d'anges. On m'a parlé d'une clinique, la clinique Lyotet. Ils auraient une chambre libre pour toi début décembre. Un mois après, tu es guéri. Jean, laisse-moi t'aider. Avant de te connaître, j'étais rien. Un pauvre type, un figurant minable à la voix de Fausset. Jean Marais est beau, un point c'est tout, disaient les journaux. Tu te rappelles? Tu m'as tout appris. Tu m'as écrit des rôles sur mesure. Sur des mesures, tu veux dire? Tu n'es pas un acteur fait pour la psychologie. Tu es taillé pour les grands emplois, les rôles de héros, d'aventuriers. En janvier, tu vas jouer Néron dans Britannicus. Villemette se prend la pièce au Bouffe parisien. Quoi? Moi? Néron? À 27 ans? Je ne suis pas un peu jeune? Qui met en scène? Toi, tu en es largement capable. J'ai suggéré à Albert que tu t'occupes aussi des costumes et du décor. Tu feras ça très bien. Je serai là, bien sûr, mais uniquement si tu as besoin de moi. C'est pas vrai. J'en rêvais. C'est le plus beau cadeau de toute ma vie. Doucement, mon Jeannot. Il est grand temps que tu prennes ton envol, et puis ça devrait mettre un peu de beurre dans les topinambours. Nous n'avons plus un sou. Une place pour moi en décembre? La clinique comment, déjà? Mon Jean. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de me briser les côtes. Janvier 1941. Depuis quelques mois, Paris est devenu un lieu de prélassement pour l'armée allemande. Les autorités d'occupation, curieusement moins rigides que celles de Vichy dans ce domaine, autorisent expositions et films aux Parisiens. Une sorte d'exception française. La résistance intellectuelle est encore très limitée et discrète. René Char, Jean Guéhenno écrivent, mais refusent de publier. François Mauriac se fait éditer, mais en Suisse. Jean Cocteau est de retour de cure, visiblement ressuscité. Bah dis donc, ils vous ont drôlement remplumé à votre cure thermale. Heureux de vous revoir, Madame Yolande. toujours aussi pimpante. Nous avons bien de la chance au Palais Royal de vous avoir comme concierge. Pourtant, je peux vous dire que je déguste. Enfin, comme tout le monde. On pèle de froid, de faim, on attend les tickets de rationnement. Après, il faut faire la queue. On se serre les coudes, il n'y a pas le choix. Le couvre-feu repoussé, c'est déjà ça. Jusqu'à minuit. C'est la bonne nouvelle. Les gens en sortent. Ah, ça pour sortir, pour faire la fête. Ils ont sûrement plus chaud que chez eux. C'est vrai. J'en connais des qui ne s'embêtent pas non plus. Hein. Les verres de gris. Comme dites-vous là. L'hôtel, rue de Richelieu. Ils l'ont réquisitionné comme le reste. Eh bien, figurez-vous qu'ils font monter les filles. Un vrai boxon là-dedans. Les prostituées du Palais Royal? J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Faut les entendre. Bramer. Ces messieurs brament. Une curiosité. À propos, c'est vrai ce que Miss Stinguette raconte? À quel sujet? Vous m'en voudrez pas. On aime bien blaguer tous les deux. Allez-y. Elle dit que c'est elle qui vous a enlevé votre puce-loge. C'est vrai, ça? Oh, Mademoiselle Miss Stinguette se vante. À mon tour de vous faire une confidence, Madame Yolande. C'est avec un garçon d'écurie que j'ai eu mon premier hennissement. Vous avez mis deux invitations pour Britannicus, si ça vous tente. Ça risque pas. Ne le prenez pas mal. Mais je trouve ça rasoir, ces pièces-là. Belle journée à vous, Madame Yolande. À vous aussi, Monsieur Cocteau. Le public boude notre Britannicus, Madame Yolande avait raison. Cette reprise d'un classique, c'est pas une bonne idée. Il n'est guidé par la peur de la censure, uniquement. Je suis incapable d'écrire une ligne depuis ma cure. Le sevrage de l'opium. Bill Metz voudrait qu'on arrête, Jeannot refuse. Il y croit, il a tout fait. Sa direction d'acteur est admirable. Son refus de rajouter de la musique aux alexandrins fait merveille. Quelle modernité! Bonjour, monsieur Cocteau. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Qui êtes-vous, jeune homme? Paul Morienne. Je suis un ami de Jeannot. Je ne me suis pas réveillé, on est rentré tard hier soir. Je me sauve. Non, non, restez. Je vous offre un café. Si on peut appeler ça un café, c'est à base de pois chiches, c'est immonde. Vous en voulez? Avec plaisir. J'ai énormément d'admiration pour vous, monsieur Cocteau. Le sang d'un poète, ça m'a bouleversé. Je l'ai vu plusieurs fois. Asseyez-vous. Alors, c'est vous le maître nageur du Racing, le champion du water-polo? Jean vous a parlé de moi. Je n'avais jamais connu d'homme avant lui. Il m'a expliqué le pacte que vous avez fait avant la guerre. Il fréquentait des garçons et j'en souffrais. Alors nous avons décidé que notre relation ne serait plus charnelle. Seul son bonheur m'importe et s'il est heureux avec d'autres, je suis heureux à mon tour. Nous sommes très différents, opposés parfois, mais très complémentaires. Il est tout pour moi. Le fils que je n'aurai jamais. Et vous êtes son confident? Quelqu'un d'unique dans sa vie? Ah oui, il m'a parlé de vos difficultés avec les impôts, les contrats, l'argent. Mon père m'a formé un peu à la gestion, la comptabilité. Si je peux vous aider... Moi, j'y comprends rien. J'accepte avec joie. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as pris le métro en tenue de Néron? Mais Villemetz m'a dit que tu voulais arrêter, alors j'ai foncé. On arrête! Je vous laisse. À plus tard. J'aurais préféré vous l'annoncer moi-même. Quel maladroit, cet Albert. On perd de l'argent, on ne peut pas se le permettre. J'ai proposé une pièce à Héberto, au Théâtre de l'Art, une création, la machine à écrire. Cette pièce raconte un huis clos au sein d'une famille bourgeoise et névrosée de province. Bien qu'elle date de 1938, les Allemands y voient une critique de l'occupation. La pièce est censurée à deux reprises. Cocteau se défend, proteste, puis se résout à modifier son texte, à faire des coupes incessantes. Puis c'est au tour du gouvernement de Vichy de mettre son veto au nom de la morale cette fois. Pour éviter le naufrage, Cocteau est prêt à tout. Il actionne ses réseaux de tous bords. Oui, Jacques. Jeannot, c'est Héberto. Oui, c'est moi qui ai demandé personnellement au lieutenant Heller d'intervenir à la propagande. C'est un ami, un francophile, un vrai. Il m'écouterait lui parler de Proust pendant des heures. Préviens aussi Susanna Betts, la femme de l'ambassadeur. Elle s'inquiétait beaucoup. Merci. Merci pour tout. Le lieutenant Heller, la femme de l'ambassadeur. N'oublie pas que ce sont des Allemands et nos ennemis. Tu ne vas pas recommencer. Et tu tapes de plus en plus haut. La femme de l'ambassadeur, maintenant. Tu m'inquiètes. Les Allemands ne sont pas mes ennemis. Je les ai combattus en 14, plus jamais ça. Ma gouvernante me lisait des contes germaniques tous les soirs quand j'étais enfant. Cette culture m'a toujours bercé, comprends-tu? Heller et Junger ne savent pas quoi faire pour nous faire plaisir. Tiens, ton Ausweis, il est permanent. Sans Heller, on ne les aurait jamais eus. À part ça, les Allemands lèvent le veto de Vichy, on joue le 29. Les Allemands? Lever le veto de Vichy? Mais c'est une blague. Ils se montrent plus aimables et coopératifs que les Français. C'est lamentable, mais c'est comme ça. Cocteau n'a pas conscience de mal agir. S'il a accepté la protection officielle d'Ernst Jünger, l'officier chargé de la censure, et celle de Gerhard Heller, responsable de la section littéraire de la propagande, c'est que dans sa famille bourgeoise, on a toujours procédé ainsi. C'est la théorie des cinq niveaux. En cas de besoin, il faut toujours cinq contacts pour remonter au pouvoir décisionnaire, de quelque bord qu'il soit, même en l'occurrence celui de l'occupant nazi. La première de la machine à écrire est donnée le 29 avril 1941. Mais dès le lendemain, les journaux de la collaboration s'en donnent à cœur joie. Marais et marécage. La machine à écrire est le type même du théâtre d'inverti. Inverti, c'est quoi? C'est nous, les homos, les pédés, les tantes. Lucien Rebattet dans Le Pilori. Nous ne pouvons que mépriser Cocteau, le truqueur, l'énervé, l'écœurant. Il est responsable de tout ce qu'il a cassé et flétri, du cortège de jobards mondains, de pédérastes, de douairières excitées. La suite donne la nausée. Marais est l'incarnation parfaite des turpitudes physiques et pathologiques de ce faisandé de Cocteau. Un exemple caractéristique du théâtre de l'anti-France, signé Lobro. Lobro. Ça me revient. J'ai croisé un ami journaliste l'autre soir qui m'a dit que Lobro avait promis de nous éreinter avant même d'avoir vu la pièce. J'ai dit à mon copain, préviens ce Lobro, que s'il fait ça, je lui casse la gueule. J'ai vérifié sur la liste des invités, Lobro n'était pas dans la salle. Quelle enflure! Quelle importance, le mal est fait. Je vais le démolir. Jeannot, de toute cette clique, Lobro est le pire. Tout le monde le soupçonne d'être un espion de la Gestapo. Il dénonce qui il veut, quand il veut. À cause de lui, des gens sont interdits de travail ou arrêtés. Toucher un cheveu de ce type, c'est signer ton arrêt de mort. Jeannot, jure-moi de ne jamais faire ça. Le poète pense avoir réussi à convaincre Jean Marais de renoncer à ses projets de vengeance. Mais le soir du 22 juin 1941, dans un restaurant aux 80 rue des Batignolles... Messieurs, je vous sers un apéritif? Non, merci. Voici déjà les cartes. Merci. Merci. C'est qui, le type là-bas, en face de Berthaud? Je sais pas, je vois pas très bien ici. Excuse-moi. Oui, point de vue, d'une certaine manière. Question. Cette pièce, c'est pas... Vous me reconnaissez peut-être? Je suis Jean Marais, l'acteur. Et vous, monsieur, qui êtes-vous? Alain Lobro. Comme voulez-vous. Il a eu son compte, allez, viens. Ah, viens, allons dîner. Je vous attends en bas, dans la rue. Ah, foutez-moi la paix. Qu'est-ce que c'est que ça? Une heure et demie plus tard, malgré les supplications de Cocteau, Jean Marais, toujours en embuscade, guette sa proie à l'extérieur du restaurant. S'il pense que je vais me lasser, il me connaît mal. Jeannot, arrête, tu risques ta vie. Ne crains rien, je prends tout sur moi. Les voilà. Il est encore avec Héberto. Il regarde, à droite, à gauche. Héberto s'en va. À nous deux, Lobro. Lâchez-moi! Oh, je vous interdis de toucher à ma canne, hein! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Louis Jouvet? Jean-Louis Barrault? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et Bourdet? Il t'a fait quoi, Bourdet? Tu vas parler? Oh, vous allez le payer cher, hein? Jean, arrête, je t'en supplie! Et nous? C'est parce qu'on est pédés? Des pédés en juivet? C'est comme ça que tu dis? Pauvre tâche, minable! Ils sont devant toi, les pédés en juivet! Et tu fais dans ton froc, pauvre merde! Mon Dieu, Jeannot, arrête! Oh! Oh! Vous allez entendre parler de moi, hein? Mais vous me faites mal, arrêter! C'est un supplice, Jean! Je t'en prie! Ni courage, ni fierté, mauviette! Allez, debout! Et casse-toi! Casse-toi! Allô? Je suis Jean Cocteau, un grand ami d'Arnaud Brecker. Il faut que je lui parle tout de suite, c'est très grave. Ah. Je le rappelle demain à la première heure. Merci. Merci du fond du cœur. Les deux hommes se sont connus dans leur jeunesse à Paris, dans le Montparnasse des années 20. Arnaud Brecker, dès le début de l'occupation, a proposé son aide à son ami Cocteau. Celui-ci l'avait toujours décliné jusque-là, réservant une intervention de Brecker à un cas de gravité extrême. Sculpteur officiel du Troisième Reich et ami intime d'Hitler, il fait figure de numéro un dans l'échelle des relations du poète. Les jours passent et la peur panique de Cocteau tend à s'effacer. Personne du côté allemand pour prendre la défense de Lobro. Aucune sanction à notre encontre, pas la moindre représaille. Nous devons notre salut au fait que les Allemands protègent quelques têtes voyantes et que les employeurs méprisent leurs employés. Quelle leçon! Jean Cocteau, pour une fois, voit juste. À cette période, il est plus facile pour des gens comme lui de parler avec les Allemands qu'avec certains Français. Il ignore qu'Hitler, tenu informé de ces épisodes mouvementés, n'a donné qu'un seul mot d'ordre. Laissez-les se dévorer entre décadents, ça nous arrange. Jean Marais, de son côté, voit naître dans le milieu du spectacle sa nouvelle réputation de résistant. Des poules et des lapins sur les balcons. Au Palais Royal, un site historique. Non mais franchement... Les gens ont faim. Dites-moi, Madame Yolande, ces signes-là sur le mur, c'est quoi au juste? C'est des V de la victoire. Quelle question? C'est la résistance. La France libre. Le type là-bas, vous le voyez? Avec ses béquilles? Mais c'est pas des béquilles, c'est des Gaules. Deux Gaules. Vous voyez toujours pas? Deux Gaules, comme le général. Oh! Oh, mais faut sortir de votre bulle. Eh, les poètes, sa vie comme ça, les yeux fermés? Je m'inquiète pour mes amis juifs, mes amis résistants. Eux aussi ont peur. Picasso, sa mère était juive. Max Jacob. Colette s'inquiète pour son mari Maurice. Vivement qu'on soit sorti de tout ça. J'ai déposé les invitations dans votre loge. Je vis avec ma sœur. Elle rêve d'embrasser Monsieur Marais. Elle est pas en terrible. Ça au moins, c'est moderne. Et si vous voyez Mademoiselle Arletty, vous pensez à mon autographe? Je ne la vois pas beaucoup. Et comme Paris, elle est occupée. À ce soir, Monsieur Cocteau. Après la machine à écrire, finalement interdite malgré un vif succès public, Jean Cocteau a choisi de reprendre Les parents terribles. Énorme succès à sa création en 1938, la pièce avait révélé Jean Marais au grand public. La presse d'extrême droite n'avait pas manqué alors de l'étrier comme le prototype du théâtre bourgeois enjuivé. On avait même accusé Cocteau d'y prôner l'inceste. Mais cette fois, pas de censure allemande et seulement quelques papiers venimeux dans la presse collaborationniste. La routine. Le 25 octobre 1941, au théâtre du Gymnase, c'est le soir de la première. La salle était pleine à craquer. Mais dès le début, quelque chose n'allait pas. On s'est dit que ça allait passer avec le lever de rideau. C'est là que l'enfer a commencé. Des boules puantes, des bombes lacrymogènes. Le public, lui, voulait rester. Et puis, les manifestants sont montés sur scène. Ils ont jeté de l'encre de Chine au visage d'Yvonne. Ils ont précipité Reggiani dans l'orchestre alors qu'il tentait de les repousser. Et après seulement, ils les ont lâchés. Des rats, des hordes de rats. J'ai appris que Madame Yolande et sa sœur avaient été bousculées. Je m'en veux. Oui, allô? Jean, mon ami, c'est moi, Arnaud Breca. Si tu savais comme je suis heureux de t'entendre. J'ai su pour ta pièce hier soir. Ces gens sont fous. Un mot de toi et je fais taire tous ces crétins. Tu as vu, ton ami Marais n'a pas été inquiété après l'affaire Lobro. Je suis intervenu personnellement. Ça n'a pas été simple. Oui, je m'en doute. Comment te remercier? Tu connais Jeannot, il est si... Au début de la guerre, je te l'ai dit. Tu es sous ma protection, toi, tes amis, ta famille, et ce ne sont pas des mots. Tu m'entends, Jean? Tu penses? Je vais te donner ma ligne directe. Vous n'êtes pas nombreux à la voir. Ma femme, le chancelier Hitler et toi. Tu pourras me joindre jour et nuit. Comment te remercier? Viens-tu bientôt à Paris? Au printemps, j'espère. C'était qui, Jean? La fleuriste. La concierge et sa sœur ont été bousculées hier soir. Je leur fais envoyer des fleurs. Ce scandale vaut cette fois à Cocteau un certain prestige, en particulier dans les milieux artistiques et littéraires. « C'est toujours toi qui prends, tu es notre paratonnerre idéal », lui écrit son ami Paul Éluard. Au printemps 42, Pierre Laval, de retour aux affaires, organise une exposition au musée de l'Orangerie. L'artiste est l'une et autre que Arnaud Breker. Le 15 mai, les deux vieux amis se retrouvent enfin lors de l'inauguration privée. Quelle joie de te retrouver ici à Paris! On s'ennuie tellement à Berlin. Parle-moi de toi. Depuis mes déboires au théâtre, j'ai choisi de me tourner vers le cinématographe. Figure-toi que l'année passée, je ne pouvais plus écrire une ligne. Ah, panne d'inspiration? Non, panne d'opium. Tu écris pour le cinéma ou tu mets en scène? Pour l'instant, je travaille comme scénariste et dialoguiste pour Jean Delannoy, Marcel Carnet et d'autres, toujours avec Jeannot. Il est ma source inépuisable. Je le regardais tout à l'heure. Il est d'une beauté renversante. Ah, il nous a vus. Arnaud, je ne lui ai rien dit pour son permis de séjour italien. Ne t'étonne pas s'il ne te remercie pas. Quel travail admirable. Des statues, ces divinités néo-gothiques. Néo-grecques, Jeannot. Excusez-moi, j'ai le fou rire. C'est à cause de... J'étais à l'instant avec Sacha Guitry, il a fait une blague et voilà. On peut partager votre hilarité? Ce ne serait pas très convenable. Accepteriez-vous de poser pour moi? J'aimerais beaucoup faire votre buste. Ah, c'est que je pars en Italie et ensuite pour Nice, les studios de la Victorine. Le tournage va durer longtemps. Celui de l'éternel retour que j'ai écrit et que met en scène notre ami Jean Delannoy. Un tournage très compliqué. Jean monte à cheval, fait des cascades. Oh, je vois. On m'appelle. Je vous prie de m'excuser. Qu'est-ce qu'il t'a raconté, Sacha? On regardait les statues. Et il m'a dit à l'oreille, heureusement qu'elles ne rentrent pas en érection, on ne pourrait plus circuler. À part ça, hors de question que je pose à poil pour lui. Tu as vu ce qu'il fait? Il est vrai que cette exaltation de la virilité et de la force est un peu trop. Ah, Arnaud est de retour. Ah, voilà. Bon, je dois vous quitter. Encore bravo, monsieur Breker. Un grand moment, cette exposition inoubliable. Ah, quel garçon sympathique. Jean, j'ai un petit service à te demander. Je t'écoute. Je voudrais que tu m'écrives un texte pour la presse, pour l'inauguration. Un texte? J'ai toujours du mal avec la commande. Un texte, il faut avant tout que j'ai envie de l'écrire, vois-tu. Ça ne presse pas. Réfléchis. Il y a un dîner à l'ambassade d'Allemagne. Ça te dirait de m'accompagner? Tu vas me trouver insupportable, mais j'évite de m'y rendre. Des amis écrivains le font, moi j'évite. Je me rends à l'institut parce qu'on y travaille, mais pas à l'ambassade. Et si nous allions chez ton ami? Au Véfour. Excellente idée. Cocteau et Brecker se côtoient régulièrement pendant cette période. Brecker est bel homme et surtout très beau parleur. Cocteau semble envoûté par celui qu'il appelle son chevalier de l'amitié. Les dîners aux chandelles se succèdent et voilà bientôt Cocteau plongé dans le secret des dieux. Hitler n'est pas du tout celui qu'on croit. C'est avant tout un protecteur, généreux, amical. Si tu l'avais vu quand nous sommes entrés dans Paris, en voyant l'opéra, il a dit, sa voix tremblait. Das ist das schönste Theater der Welt. C'est le plus beau théâtre du monde. C'est moi qui ai insisté pour que la vie ici soit tranquille et la population bien traitée. S'il y aurait tout ça, c'est extraordinaire. Hein? Si la compagnie allemande d'honneur fait encore le tour de l'étoile en jouant « Tous un beau pas l'amour », c'est sur mon conseil. Le chancelier m'a toujours écouté. Il n'est pas venu ici chez vous en conquérant, mais en libérateur. Nous n'avons pas du tout conscience de ça ici. Je sais. Personne en Allemagne ne considère la France comme un pays vaincu. Et avec les artistes? Hitler ne peut vivre sans les artistes. Il nous réunit régulièrement à Berlin ou à Berchtesgaden. Imagine un cirque montagneux sous des nuées d'aigles planant dans les brumes. C'est là qu'il m'a parlé la première fois de son projet. Fascinant. Lequel? Il rêve d'associer la France, le pays de Napoléon, à ses triomphes. Il veut mener une grande politique culturelle dans laquelle, moi, Brecker, je deviendrai le protecteur de tous les artistes. C'est un homme si sensible. Imagine, quand je pars de Berchtesgaden, il me recommande de ne pas rouler trop vite. Il dit qu'il m'aime comme son fils adoptif. Comme Jeannot et moi. D'un naturel naïf, Cocteau gobe tout, sans aucun discernement. Sur la question de ses amis juifs et résistants dont le sort lui tient tant à cœur, Brecker l'a de nouveau assuré de sa protection. Apaisé, sous emprise, le poète est enfin prêt à écrire son salut à Brecker. Je vous salue, Brecker, je vous salue de la haute patrie des poètes, patrie où les patries n'existent pas. Je vous salue parce que la grande main de Michel-Ange vous a montré votre route, parce que dans la haute patrie où nous sommes compatriotes, vous me parlez de la France. Ce salut à Arnaud Brecker paraît le 23 mai 1942 dans le journal Comédia. Avec cet hymne à l'amitié en direction de l'occupant, Cocteau commet un faux pas qu'il va payer cher. La première riposte lui vient de son propre camp. Mon ami Paul Éluard m'écrit et ses mots me transpercent. Freud, Kafka, Chaplin sont interdits par les mêmes qui honorent Brecker. On vous croyait parmi les interdits, que vous avez eu tort de vous montrer soudain parmi les censeurs. Bon, rien que n'est pas en reste, l'infâme article de Cocteau. Personne ne m'a compris. L'art n'a pas de patrie. On me croit aux ordres. Il faut que je me fasse une fois pour toutes à être incompréhensible, à vivre seul, en quarantaine. Mais Brecker repartit, de jour en jour le mirage tend à se dissiper. Jean Marais, à peine rentré d'Italie, repart sur le tournage de L'Éternel Retour. Paul Morienne veille sur Cocteau. Mais le poète est plus seul que jamais. Les premiers doutes l'assaillent, puis le rongent. Un poids terrible, un malaise vague. Je sens planer au-dessus de ma tête l'opérette de la mort. Me réfugier dans le travail et continuer à me démener pour venir en aide à mes amis. À Maurice, Picasso, Max Jacob et les siens, tous en danger ou persécutés. En novembre 1942, les Allemands envahissent la zone libre. La résistance s'élargit, la répression s'intensifie, le rejet de l'occupant aussi. La capitulation allemande à Stalingrad, 3 mois plus tard, achève d'ouvrir les yeux du poète. L'année 1943 va consacrer sa carrière artistique, mais aussi sa disgrâce politique. J'ai toujours clamé que j'étais pacifiste, mais j'ai omis une chose essentielle, la vertu de l'insoumission. J'apprends chaque jour tant de choses terribles. Tant de jeunes hommes meurent et de la plus horrible façon. Et la déportation des Juifs, j'ai voulu poursuivre mon œuvre croyant faire preuve d'insoumission. Et si ce n'était qu'un mauvais alibi, pire une faute, pire un crime. Y a quelqu'un? T'es là? Jean. Jeannot? Mais qu'est-ce que tu fais là? On a fini plus tôt. J'ai sauté dans le premier train. Ça va? Paul m'a dit. Tu t'es fait agresser sur les Champs-Élysées? Un défilé de la LVF. J'ai refusé de saluer le drapeau, ils m'ont reconnu, ils me sont tombés dessus. Collabo pour les uns, gaulliste pour les autres. Voilà ce qui arrive aux esprits libres qui refusent de se mêler de politique et n'y comprennent rien. Pourquoi le destin d'un poète changerait-il? Mon royaume n'est pas de ce monde, et ce monde m'en veut de ne pas suivre ses règles. Tu es bien le seul à me citer par les temps qui courent. Te voilà devenu le héros de la BBC et moi leur bête noire. Tu repars déjà? Le film sort à la fin du mois, je ne t'apprends rien. J'ai un emploi du temps de ministre. Projection de presse avec Madeleine et Delannoy, les séances photos... J'imagine. Ne te dérange pas pour moi, vite ta vie surtout. Tu ne penses quand même pas que je vais y aller tout seul? Mais regarde-toi, on dirait un vieux fakir. Je ne m'attendais pas à te voir. Aller où? Jean, tu veux m'auréoler de gloire depuis tant d'années. Et si maintenant c'était à mon tour? Allez, viens. De tous les succès de Cocteau cette année-là, celui de L'éternel retour est de loin le plus époustouflant. À la fin de la première séance, sur les Champs-Élysées, les spectateurs se lèvent pour applaudir et hurler de longues minutes. Cocteau a atteint son but, porter Jean Marais au sommet de son art. En août 1944, Paris est libéré, c'est la liesse. Marais, malgré lui, est porté en triomphe par les FFI et participe fougueusement au combat. Et les admiratrices se pressent au jardin du Palais Royal, aux grandes dames du poète. Allez, Ouse, faut pas rester là. Ces folles sont-elles parties? Je suis là, à la fenêtre, madame Yolande. Ah, monsieur Cocteau, je vous ai mis tout ce monde là dehors. Mais tenez-vous bien, elles embrassent la selle du vélo de monsieur Marais. Il y en a d'autres, à force de poireauter, elles font la petite commission, pas gênées, là, dans le bosquet. Et devant la grille où monsieur Desmoulins a fait son discours en 89. Mais imaginez un peu! Ah, ça doit être Jean. Je vous laisse, merci. Elles sont partout, jusque dans l'escalier. Je pars. Tu pars où? Je suis engagé dans la deuxième DB. J'ai eu beau leur dire que je ne suis pas un héros, ils m'ont supplié de les suivre. On va dans l'Est, délivrer les territoires occupés. J'en mourrai d'envie. Mais toi, ça va aller? Sinon, je reste. Pour la première fois, je n'essaye pas de te retenir. En partant, tu me débarrasses de cette meute de filles qui m'empêche de travailler. Sois prudent, mon fils, mon adoré. La mort de son ami Max Jacob au camp de Drancy le 5 mars 1944 a atteint Cocteau de plein fouet. Il avait remué ciel et terre pour sauver le poète, mais en vain. La blessure ne se refermera jamais. Tandis que Marais devient un héros, certes tardif, de la résistance, Cocteau, lui, se prépare à passer devant le comité d'épuration du cinématographe. Il s'y présente, le 28 novembre au matin, un lys blanc à la main. J'aime les grandes crises, mais je redoute plus que tout leur bûcher purificateur. 9h du matin, j'attends au 5e étage en compagnie d'Anouille, Achard, Janson, Orange, Marcel Aimé. C'est mon tour. J'entre dans une petite chambre. Derrière une table siège le tribunal composé de camarades. On m'épure en 5 minutes. Voilà, monsieur Cocteau. Alors, Alors rien. Oh, voilà une bonne nouvelle. Et merci du fond du cœur pour votre pétition, ça m'a beaucoup touché. Pensez, quand on a su qu'il fallait garantir votre moralité, tout le monde a signé. Il faut que je vous dise quelque chose. Ce n'est pas facile. La vérité, voyez-vous, je ne suis pas courageux. La belle affaire. Qu'est-ce que vous faites ? Je jette ce lys. Oh, donnez-le-moi. Je vais le garder en souvenir. Il est historique, lui aussi. Comme nos jardins du Palais Royal. Bonne journée, Madame Yolande. Pareil à vous, Monsieur Cocteau. Jean Cocteau et Jean Marais, le couple terrible de l'occupation de Pascal Memery, avec Jean Cocteau, Christophe Audan, Jean Marais, Thibault Lacroix, Arnaud Brecker, Richard Zamel, Paul Morienne, Yannick Morzel, Alain Loubreau, Joachim Salinger, Madame Yolande, Yvette Caldas, et les voix de Christina Crévienne, Werner Kolk et Emmanuel Coutelier. Bruitage Sophie Bissans. Prise de son, montage et mixage, Régis Nicolas, Marie Le Peintre et Valentin Azan-Zielinski. Assistante à la réalisation, Clémence Bûcher et Manon Dubu. Réalisation, Pascal Deux. Vous écoutez France Inter, autant en emporte l'histoire. On reprend dans quelques minutes la discussion sur Jean Cocteau et Jean Marais avec mon invité François Rivière. Dans le flot de mes pensées, qui se télescope, je distingue maintenant un constat naze et je sens mon anxiété qui cogne à la porte, mais je sais plus comment faire face. Monogramme par Magenta sur France Inter, autant n'importe l'histoire, est réalisé par Étienne Bertin, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Mathias Alléon. François Rivière, Jean Cocteau et Jean Marais sortent vivants de l'occupation, contrairement à beaucoup d'autres, notamment le grand ami de Cocteau, Max Jacob. Mais cette période, est-ce qu'elle marque une rupture quand même dans la vie de Cocteau ? Oui, c'est un moment qu'il a vécu avec difficulté dans la mesure où ce à quoi il a résisté, si je puis me permettre, c'est plus à ceux qui l'attaquaient qu'à l'ennemi. Le but de Cocteau, c'était de continuer à exister artistiquement pendant cette période qui, dans laquelle il s'est pas engagé comme il l'avait fait pour la Première Guerre mondiale. Bon. Par ailleurs, oui, parce que pendant la Première Guerre mondiale, il a été brancardier. Enfin, il pouvait pas. Il avait été réformé, Mais oui, il a quand même participé. Mais il a voulu aller sur le front en tant qu'ambulancier. Oui, il a voulu. C'était un peu, bon, c'était une espèce de gageure. Quand on sait un peu ce qui se passait, ça ressemble un peu à une espèce de tragicomédie. Hein, mais il a vraiment, il était impliqué. Le problème, c'est qu'il était, à ce moment-là, pendant cette seconde guerre mondiale, c'était quelqu'un de très connu. Et des gens avaient beaucoup de choses à lui reprocher. Et profiter de la guerre, de cette période, pour parce qu'effectivement, le problème avec Rebatté, qui écrivait sous un pseudonyme, dans Je suis partout, avec ce Alain Lobreau, qui est un personnage absolument infect, et d'autres, hein, qui profitaient de l'occasion pour régler des comptes avec ce Cocteau qui les agaçait, enfin, depuis déjà un certain temps. Lui, il résistait, donc, enfin, au sens propre, du mieux qu'il le pouvait, mais il a fait, je crois, une bêtise énorme, en rédigeant ce salut à Brecker, dont Jean Marais lui a fait reproche immédiatement, enfin de manière très très vindicative. Hein. Jean Marais était furieux et lui a dit mais comment as-tu pu faire une connerie pareille? Enfin c'était on voit peut-être qu'il aurait pu avoir d'ailleurs plus d'ennuis d'abord déjà de la part de l'occupant Jean Cocteau. Mais c'est étonnant qu'il n'y ait pas le fait que Jean Marais quand même casse la gueule à Alain Lobreau, qui était une personnalité importante de la collaboration. Oui, alors, je ne sais pas si Brecker. Est-ce que c'est grâce entendu, à son intervention c'est la protéger. Moi, j'ai un peu de mal à croire. J'ai l'impression qu'il est passé un peu entre les gouttes, mais enfin entre les balles, hein, Cocteau. Je sais pas. Enfin, c'est un peu les aléas de la guerre. Il en est sorti indemne, si on peut dire. Il y a eu des morts, bien sûr, mais lui n'était pas collabo. Il y a des gens comme son ami Max Jacob qui est resté. Ça a été quand même juif d'origine juive. C'est terrible parce que Max Jacob, qui était juif, oui. Catholique, mais d'origine juive. Ouais. Oui, d'origine juive, qui n'est pas été trop défendu. Enfin, Cocteau a essayé, d'autres aussi, malheureusement, bon. Il a essayé d'intervenir, mais oui, Max Jacob est mort au camp de Drancy, déporté. Oui, oui, bien sûr. Oui. À propos de Jean Marais et de son altercation avec Alain Lobreau, je vous propose d'écouter Jean Marais lui-même en parler. C'était en 1996, au micro de Patrice Gélinet. J'étais d'ailleurs dans le studio moi-même, très ému de rencontrer ce monstre sacré du cinéma. Jean Marais évoque l'affaire Lobreau quand ce journaliste collaborationniste, donc de Je suis partout, avait promis avant même la première, d'éreinter la pièce de Cocteau, la machine à écrire et son auteur. Il a attaqué Cocteau. Ouais. On m'avait prévenu un mois avant la générale que ce monsieur Lobreau avait décidé d'éreinter Cocteau. Il ne peut pas connaître la pièce puisque c'est une pièce nouvelle. Alors, s'il le fait, vous pouvez lui dire que je lui casserai la figure. Et il l'a fait, mais dans des termes tels que ça, c'était comme une lettre anonyme de dénonciation. C'était épouvantable. Et alors, comme je me crois toujours obligé de faire ce que j'ai dit que je ferais, je lui ai cassé la figure. Voilà. Mais il était en sang parce que Truffaut a mis ça dans son film. Il m'a demandé gentiment la permission dans Le Dernier Métro. Et oui. Avec moi, Lobreau était en sang par terre. C'était donc Jean Marais en 1996, 2 ans avant sa mort d'ailleurs, je me souviens de lui, un beau vieillard avec un pull col roulé blanc magnifique. Ce geste aurait pu donc lui coûter cher à Jean Marais et aussi à Jean Cocteau. On sent bien dans ce qu'il dit la violence quand même à la fois verbale et physique qu'il y avait, hein, cette menace permanente. Oui, non, c'est sûr qu'il y avait une menace, qu'il fallait se défendre, il fallait réagir. Je crois que Cocteau avait tout contre lui, d'une certaine manière, sur les relations qu'il avait avec pas mal de gens qui pouvaient être inquiétantes pour lui. Le fait qu'il avait un dealer que pour l'opium, qui venait régulièrement, donc des descentes de police, hein, rue de Montpensier, il y a eu quand même, c'était un peu chaud quand même. Mais on est dans une période, au fond, où les artistes ont quand même le droit d'exister. Enfin, Cocteau a quand même pu faire jouer ses pièces, même si la censure était là. Bon, d'un côté, Vichy interdisait, puis après, les Allemands permettaient aux pièces d'être jouées. Oui, c'est étonnant quand même. On a l'impression que, parfois, les Allemands laissent passer plus de choses que Vichy, qui a cet ordre moral, qui considère que Cocteau n'est qu'un inverti, un opiumane, à l'encontre de l'ordre moral. C'est étonnant quand même. Vichy voulait faire régner un ordre moral, oui. Justement. Alors que les Allemands considéraient Paris un peu comme un lieu de débauche, quoi. Oui, bien sûr, oui. Ils pouvaient tout se permettre. Beaucoup d'Allemands de la Wehrmacht n'étaient pas forcément hostiles à ce monde artistique qui les impressionnait. Enfin, Paris était comme une ville d'artistes. La France était un grand pays pour eux. D'où effectivement l'ambiguïté encore par rapport à Brecker, parce que cette exposition Brecker qui est arrivée comme un piège tendu à Cocteau, un piège dans lequel il est tombé, évidemment. Mais en même temps, bon, c'est les Allemands qui organisaient ça. Il y a quand même une certaine... de cette ambiguïté. Enfin, je ne sais pas comment dire autrement. Il y a une certaine naïveté chez Cocteau, on sent, enfin, quand, face à Arnaud Brecker, il se laisse un peu embobiner quand même par ses discours sur Hitler, qui est un grand ami de la France, grand ami des artistes, enfin, oui, sans doute... il aimait les Allemands. Enfin, ça, c'est la faute de la Fraulein, sa gouvernante allemande, qui lui a fait aimer... Oui, enfin, on peut aimer l'Allemagne, la culture allemande, sans aimer Hitler. Ah non, mais il n'aimait pas Hitler, hein, je pense pas. Mais effectivement, il avait un espèce de penchant qui fait qu'il est tombé... Non, mais il y a un côté enfantin quand même, tout le temps, chez Cocteau. Il se laisse aller à des foucades comme ça. Il y a des gens qu'il aime, des gens qu'il n'aime pas. Quand on lui demandait pourquoi il avait fait ce salut à Brecker, il disait bah, « je suis fidèle en amitié ». Voilà. C'est assez beau cette relation entre les deux, Jean Cocteau et Jean Marais. Et c'est étonnant aussi, on est quand même... aujourd'hui, enfin, on est habitué à voir des couples homosexuels, c'est quelque chose de normal, du moins en France. Mais là, c'est un peu le premier couple homosexuel qui s'affiche comme ça, de manière quasi officielle. Ce qui est assez curieux, c'est qu'effectivement, ils sont un peu les pionniers dans cette manière d'être. Les gens acceptaient ça. Alors, évidemment, on peut imaginer la réflexion que ça a pu engendrer, mais effectivement, presque officiellement. Enfin, et ça va durer toute couple, la vie. Comme il y en avait d'autres. Enfin, un couple d'hommes, alors qu'en général, bon, on admirait, on encensait, ou on évoquait, on parlait des gens dans les médias, enfin, à l'époque, ils se sont mis à exister. Parce que les deux quand même avaient aussi avaient donné un sens à leur vie et ils faisaient partie d'un monde artistique qui fascinait les gens. Quoi. Jean Cocteau va mourir le 11 octobre 1963, le lendemain de la mort d'Édith Piaf, sa grande amie, et Jean Marais en 1998. Merci beaucoup François Rivière, je recommande vivement la lecture de votre BD que vous avez écrite et dessinée par Laureline Mathiussi. Cocteau, l'enfant terrible, paru chez Casterman, et plus récemment vous êtes l'auteur d'un roman, Le secret d'Irvine, publié chez Rivage. À lire également Jean Cocteau sous l'occupation, les cahiers Jean Cocteau, numéro 14, édition Non-Lieu. Et la biographie de Cocteau, bien sûr, de Claude Arnaud, édition Gallimard. Et je signale une exposition, homosexuelle et lesbienne dans l'Europe nazie, qui se tiendra jusqu'en février 2022 au Mémorial de la Shoah à Paris. N'importe l'histoire, c'est fini pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends bien sûr vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons au 19e siècle avec une femme au destin hors du commun, Florence Baker. Née hongroise, enlevée à 7 ans par des Turcs, elle est vendue à 17 ans comme esclave dans un harem, avant d'être sauvée in extremis par un Anglais, Samuel Baker, avec lequel elle partira explorer l'Afrique et tentera de mettre fin au trafic d'esclaves. Florence Baker, des rives du Danube aux sources du Nil, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.